Ben voilà, on est à Tours, on attend le convoi qui va arriver. Et évidemment, qu'est-ce que je trouve devant le palais de justice de Tours? Ben d'autres cyclos là, c'est ça, hein, vous êtes un peu... Non, ben vous allez me présenter, vous allez me dire qui vous êtes parce qu'en fait, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vois que vous avez des vélos. Oui. Hein, vous soutenez le bazar. Ah, moi, plus, c'est Papillon. Plus... Ton nom? C'est Papillon, ouais, c'est mon nom, ouais. C'est joli, ça. C'est joli, hein. Ouais. Ouais, ça, ouais. Nous, on avait une ice-belle qui s'appelait Papillon, soit. D'accord. Et donc, on est là pour plutôt l'organisation. On fait pas de vélo trop aujourd'hui, enfin, en tout cas, pas ce matin. Et donc là, on installe les stands d'une campagne qui s'appelle Dernière Rénovation. Je sais pas si vous avez entendu parler en Belgique. Non. Enfin, moi non, en tout cas. C'est partie du réseau européen A22, mais je crois pas qu'il y ait d'équivalent belge. Mais du coup, c'est une campagne qui demande la rénovation thermique des bâtiments, et dont un des modes d'action qui l'a rendu célèbre, c'était le blocage de routes et d'événements sportifs. Et donc là, aujourd'hui, quel blocage d'autoroutes et d'événements sportifs? Bah, on a bloqué des routes, pas mal le périph parisien. Il y a aussi le Tour de France qui a été bloqué. Ça a bloqué même jusqu'à... Pour vous faire entendre. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, pour faire des perturbations et se faire entendre. Et du coup, là, aujourd'hui, ce qui est jugé, c'est la peinture de la préfecture. Donc il y a 5 militants qui sont allés peindre la préfecture en orange. Bien ça. Voilà, histoire de dénoncer l'inaction de l'État et de s'en prendre un symbole étatique local. Voilà, et donc ils sont jugés, hasard du calendrier, aujourd'hui, pendant le passage du convoi de l'eau. Donc là, on est devant le tribunal, c'est pour ça. Et donc il y a les cyclistes qui vont arriver vers 11h30. Et puis le procès qui commence à 13h30. Donc du coup, il y a un rassemblement de 2 heures où on va coïncider faire se rejoindre un peu ces deux combats. Quoi. D'accord, c'est une bonne idée, hein, mais c'est chouette ça, vraiment bien de se mettre tous ensemble du coup. On est plus forts ensemble. Oui, carrément. Ceci dit, en même temps, oui, l'État n'entend pas, l'État n'écoute pas, quoi. Et quand il ne veut vraiment pas entendre, il peut s'en foutre carrément de tout ce que vous faites, en fait. Hein. Ouais, alors bon, là, il s'en fout quand même un peu moins, j'ai l'impression, parce qu'il y a des réponses pénales qui tombent. Il y a eu, par exemple, concernant le mouvement Dernière Rénovation, ils ont passé une loi pour interdire, enfin, pour mettre des amendes forfaitaires, donc sans passer par le tribunal, aux militants qui bloquaient des routes ou les événements sportifs. Donc c'est bien qu'il y ait une réponse... Oui, ok, mais c'est une réponse, qui ne va pas du tout dans votre sens. Et c'est non, tout ça, c'est tu pour vois. Dire qu'ils s'en foutent pas, d'une part. Ça les dérange aussi. Mais oui, mais la justice s'en mêle et les gens doivent payer. Mais je veux dire, ça ne va pas dans le sens que vous voulez, vous, tu vois. Parce qu'évidemment, il y a la répression qui est là, évidemment. Oui, c'est-à-dire que ça n'a pas encore suscité d'action de la part du gouvernement. C'est clair, mais pour autant, je pense qu'on dérange de plus en plus. Ouais, mais je pense que les mouvements en général, prennent plus de... Comment dire passent à un nouveau mode d'action, un peu comme ça. Tu vois, ils en ont marre, justement, de ne pas être entendus. Mmh. Et donc, ça devient du concret, quoi. On fait des choses, comme le convoi de l'eau, comme l'affaire Sainte-Soline. Les gens, action, quoi, toi, font des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement, ouais. Bah, je pense que ce dont tu parles, c'est... Pas simplement manifester en appelant la préfecture pour dire allô, c'est de telle heure à telle heure. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air du temps qui fait que les gens commencent à en avoir marre de ne pas être entendus. Et donc, ça s'énerve un peu plus et ça devient plus concret aussi. Tu comprends que simplement une manifestation... Oui, bah d'ailleurs, toute cette vague-là de désobéissance civile, elle est née en réaction à en fait, l'inefficacité des modes d'action classiques. C'est ça. Tout à fait, ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre avec ça? C'est comment le nom de votre association? C'est pas une association, c'est un mouvement. Un mouvement. Là, aujourd'hui, le convoi de l'eau, c'est... Ouais, il y a le convoi de l'eau, mais vous... Le nom. De ce que vous représentez, là. Je suis là pour le convoi de l'eau, ouais. Ah ouais, mais attends, tu parlais de... Je parlais de dernière rénovation. Tu partais, voilà, c'est ça. Comment t'as dernière dit rénovation. Comment dernière rénovation. Voilà. Tu ne représentes pas, toi, le dernière rénovation? Non, moi je viens soutenir les camarades, mais enfin on n'a pas de. Ok, il n'y a pas. T'es pas. Fait ça à titre individuel, quoi. Chacun ouais. Individuellement, il n'y a pas de. Non, ouais. Ah, ok. Bah alors je comprends moins la discussion. Parce que t'as l'air de dire que dernière rénovation, c'est un groupe de gens qui se mettent ensemble pour se battre pour faire en sorte que les bâtiments soient moins. Soit plus thermique, c'est comme ça le terme. Bah, c'est une campagne, donc un groupe de gens qui se mobilisent et qui font les actions ensemble. Mais donc, on est d'accord que c'est un groupe de gens, dernière rénovation, c'est un groupe de gens. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'organisent, ils se réunissent nécessairement. Oui, parce... Mais toi, tu en fais pas partie. Bah, moi, j'en ai fait partie, ouais, pendant longtemps. Ouais. Et du coup, qui se réunissent et qui ont une revendication, qui est la rénovation thermique des bâtiments. Et donc l'idée de ça, c'est une mesure qui avait été poussée par la Convention citoyenne pour le climat, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'était donc en France des citoyens qui sont réunis pour en fait aborder les questions du dérèglement climatique et dire qu'est-ce qu'on fait. Et une des mesures phares, c'était bah, il faut isoler les bâtiments, parce que donc, les bâtiments qui sont mal isolés, ils occasionnent des frais et des pollutions liées au chauffage l'hiver et aussi du mal-être dans les logements l'été parce qu'on suffoque et qu'il fait trop chaud. Donc c'est quand même un truc sérieux parce qu'on estime qu'il y a 2200 morts en France chaque année à cause des passoires thermiques, donc ces logements qui sont mal isolés. Et en fait, ce serait un moyen de réduire très vite et à moindre frais nos émissions de gaz à effet de serre parce qu'aujourd'hui, le secteur du bâtiment, c'est 20% des gaz à effet de serre. Donc c'est en gros un levier assez direct, assez évident. C'est le truc qu'il faut faire en priorité. C'est quoi. Du concret, quoi. C'est ça que je comprends. C'est que c'est une histoire concrète que vous allez trouver l'État ou le gouvernement et vous proposer en fait des choses et vous n'êtes pas entendu. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça. Ouais. C'est qu'il y a une revendication et que l'idée là, c'est plutôt de créer un rapport de force et de s'attaquer à leur image, d'avoir un impact médiatique dans un premier temps pour ensuite faire évoluer. Et il y a déjà eu des premières avancées puisque en novembre dernier à l'Assemblée nationale, il y avait eu donc un vote de l'Assemblée qui avait validé un budget de 12 milliards par an pour la rénovation thermique des bâtiments. Mais le gouvernement est intervenu avec l'article 49.3. Encore ? Envoyer la loi à la poubelle, quoi. Enfin, l'amendement. Donc voilà, c'est un peu désespérant, mais il faut continuer à mettre la pression. Il y a quand même des choses qui bougent. Là, récemment, donc les soulèvements de la terre, qui sont un mouvement qui co-organise le convoi de l'eau, avaient été dissous. Par le gouvernement et le Conseil d'État est revenu sur cette dissolution. Donc ils sont pas non plus tout puissants et ça bouge aussi, quoi. Donc on est sur vraiment un équilibre qu'il faut arriver à infléchir et faire basculer. Bah c'est bien que tu prennes les choses comme ça parce que là ça reste que des, comment on dit, des règlements ou des documents, mais pour le moment rien de concret, tu vois ce que je veux dire. Dans la vie, je parle de rien de concret dans la vie, il n'y a pas pour le moment une rénovation en cours des bâtiments, par exemple, tu comprends ? Au moment, ça se renvoie la balle, quoi, à coup de... Mais c'est pour ça qu'il faut continuer, en fait. Ouais, oui, c'est bien, c'est bien. Parce que rien ne se passe ou que très peu de choses se passent qu'il faut s'arrêter. Ça, c'est sûr. Plutôt continuer, quoi. Ça, plutôt continuer, oui, mais... La situation va se détériorer, plus il faudra s'engager, je pense. C'est sûr. Après... Oui, c'est un peu l'art de... Le gouvernement a un peu l'art de faire la sourde oreille, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut tenir bon, quoi. Mais c'est plutôt la tactique et la stratégie, comment on fait pour vraiment... quand il y en a marre, tu vois, de que ça ne bouge pas, de ne pas être entendu, qu'est-ce qui reste comme choix, quoi, tu vois ? Bah, c'est en parler à un maximum de gens, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est juste intolérable. C'est des politiques qui sont menées en faveur d'une minorité. Qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est un truc qui est profondément injuste. Donc en fait, si on arrive à communiquer et démontrer cette injustice, bah, ça va devenir de plus en plus difficile pour eux de maintenir ces politiques-là. Et en fait, toute la crispation, la violence policière et tout, je pense qu'elle est aussi en réponse à une illégitimité grandissante du gouvernement. C'est sûr. Légitime, plus ils vont aller vers de la répression, vers essayer de faire peur aux gens, vers de la manipulation, etc. Et, ouais, t'es prêt ? Prêt à continuer ? Bah, bien sûr. Même avec la peur, même avec les répressions et tout. Bah non, mais c'est vrai qu'il faut se battre avec la peur parce que la répression, elle s'abat vraiment sur les militants pour des trucs qui sont anodins, quoi. C'est-à-dire que y a des organisations en France, je pense notamment à la FNSEA, qui brûlent des bâtiments publics, qui sont jamais inquiétés parce qu'en fait, ils font partie de l'agro-industrie. C'est le syndicat du gros business, ça. Voilà, exactement. C'est une espèce de système un peu mafieux. Et à l'inverse, quand il y a trois sacs de ciment qui sont ouverts, on parle de terrorisme et tout ça. Donc c'est complètement disproportionné comme réponse. Mais parce qu'en fait, on est sur des sujets politiques qui dérangent, parce que la vérité est là, donc il ne faut surtout pas que ça se sache. Sinon, ça va inquiéter, quoi. Toute leur espèce de discours et de récit, il se fracture, là, en ce moment. Voilà, donc faut mettre des burins dans la fracture et taper dessus, quoi. Oui, mais ce que je comprends, c'est que c'est la défense d'un... Vous, enfin, moi aussi, j'en fais partie, hein. C'est la défense plus du commun, d'être ensemble, du collectif, et l'État et les politiques menées, c'est plus des affaires de sous, des grandes affaires qui doivent générer de l'argent, quitte au détriment des gens, en fait, des peuples, quoi. C'est ça aussi que ça ne communique pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, complètement. Bah, là, la question d'aujourd'hui, c'est l'eau. Qu'est-ce qui se passe sur les mégabassines ? Je sais pas si tu as déjà interviewé des gens qui t'ont expliqué, mais c'est qu'on a une privatisation de l'eau. Il y a 6% des agriculteurs qui vont irriguer massivement des cultures qui ne sont pas du tout vivrières, qui sont plutôt du maïs destiné à la production de viande ou à l'exportation, qui vont pomper dans les nappes phréatiques et du coup assécher les fontaines des villages, qui vont mettre je sais pas combien de communes en alerte rouge chaque été parce qu'en fait il n'y a plus de flotte et il y a zéro démocratie là-dessus en fait. L'eau c'est un bien commun et on parle même pas de son partage quoi. On passe un arrêté, on injecte plein d'argent public pour financer des bassines qu'on va peut-être même pas réussir à remplir parce qu'il n'y a pas assez de flotte quoi. Donc c'est des projets qui sont juste dingues et qui se font sans une once de démocratie. Et ça c'est juste intolérable maintenant quoi. Ben voilà. Merci Papillon, si tu as jamais envie de dire quelque chose qui te tient spécialement à cœur, que tu as envie de dire là. Non, je crois que tout est dit. Bonne journée. Tout est dit, sûrement pas. Arrête. Merci. De toute façon, on va passer l'après-midi ensemble, je crois. Est-ce que je peux te proposer... Non, tu dis ? Non. Non. Ok. Il n'y a pas d'obligation. C'est Radio Campus Bruxelles. Moi pour Radio Luxembourg et la presse luxembourgeoise et enchantée, pareil. Et tu as envie de dire quelque chose ? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Donc toi, tu es journaliste. Correspondante de presse, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là, toi ? Parce qu'en fait, ça fait 28 ans que je traite ces sujets-là. 28 ans ? Plus de 28 ans. Mais quel sujet particulièrement ? L'environnement. En fait, mes deux premiers articles publiés, par le journal Le Monde en juin 1994, pendant les élections législatives et européennes à Luxembourg, c'était à l'issue d'enquêtes que j'ai menées sur les problèmes fiscaux qu'il y avait, les blanchiments d'argent, donc surtout côté France. Ça n'a pas évolué, hein ? Quoi ? Ça n'a pas évolué depuis... Non ! Sauf qu'on en sait toujours plus au Luxembourg qu'ici. On a toujours plus de... Le Luxembourg m'encourage toujours à sortir ce genre d'affaires, comme j'en ai sorti il y a 28 ans. Voilà. Et pour Israël, pareil. Qu'est-ce que tu veux dire, pareil ? En fait, j'ai des amis israéliens et on essaie de couvrir au maximum ce qui se passe là-bas. Qui se passe en Israël, c'est-à-dire dénoncer parce que tu vois, c'est bien d'expliquer tout parce que sinon on est là à chaque fois. Couvrir, ça veut dire diffuser toutes les témoignages qu'on a de ce qui se passe là-bas, tous les sujets pour montrer que les Israéliens ne sont pas des moutons. Oui, mais par rapport à quoi tu parles là? Ce qui se passe en Israël en ce moment. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Guerre. Ils sont en guerre, justement. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'en Ukraine, justement. C'est aussi en Israël. Tu veux dire, là, c'est carrément une colonisation ? C'est pas totalement une colonisation, non. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est une colonisation pour certains, pour l'État d'Israël, oui. On est d'accord. Celles qui sont en Cisjordanie, oui. Là, on ne cautionne pas ça. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont contre ça. D'accord ? Je sais pas, moi, j'y suis pas, tu vois. Mais on parle, la discussion part sur ailleurs, et ça, c'est vrai que c'est un autre sujet fameux, mais c'est vrai qu'en effet, tu as raison de dire qu'on parle de la guerre en Ukraine qui prend toute et la place, et pas celle... Ok. Mais reprenons ici, parce que sinon, t'es d'accord ? Ici, le problème, c'est que... T'as pas envie, tu me dis non, je veux continuer à développer... Si, je suis là justement pour couvrir l'événement aussi, mais... L'événement du convoi de l'eau ? Oui, et pas que ça. Par exemple, l'université d'été qui est prévue au Havre. Quand ? À la fin de la semaine. Parce que je fais partie de ceux qui... dénonce l'utilisation du rappeur. Du rappeur ? Oui, l'invitation du rappeur Médine. Moi, ça me choque. Je suis loin d'être la seule. Explique, parce qu'il y en a qui ne sont pas au courant. À cause de ses propos antisémites, contre une écrivaine tourangelle, Rachel Kahn, que j'apprécie beaucoup. Et non, ça me met en colère, et, parce que c'est justement la ville... Où se sont réfugiés mon arrière-grand-père et mon grand-père à la Le Havre. Oui. C'est là où ils reposent. Et eux, malheureusement, ont connu la guerre. Et ces propos-là, on ne les supporte plus. Enfin, moi, je ne les supporte plus. Et eux, malheureusement, ils ont eu... J'en ai un des deux qui a collaboré avec les nazis à cause de ces propos-là. C'est qui le un des deux ? Mon grand-père, Henri Martin. Il a collaboré, lui ? Oui. Il était toujours en lien avec ? Il est décédé. Ok. Il était né le 22 août. C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est dingue ça. Ouais. Et je me rends à Maillé justement vendredi pour ne pas oublier ce que certains ont commis avec les nazis. C'est-à-dire ? Bah, les massacres. Ce que certains ont commis avec les nazis. Tu parles de qui précisément ? Des Français. Des collaboration du coup. Les Français, dont mon père. Non, dont mon grand-père. Je fais un lapsus, mon grand-père. Oui, là, du coup, on est encore reparti ailleurs dans l'histoire et c'est fou. Bon, revenons ici. c'est la troisième fois. À Bruxelles, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah, excellent. Toi, qu'est-ce que tu viens faire ici précisément ? Je te dis, je suis à la fois militante et je couvre l'événement. Ça veut dire que tu vas écrire sur ce qui va se passer Ok. Ce sera diffusé dans plein d'endroits. En numérique. Ok. Par exemple, quel endroit ? Bah ça, c'est jusqu'en Israël, justement. Ah ouais, tu t'appelles comment ? Nathalie. Comment ? Martin. Nathalie Martin, bon bah voilà. Martin Louis. Bon, merci à toi. Hein. Ouais. J'ai laissé mes affaires là, au sol, moi. Mais il y a mes clés. Ah ! Aussi du son ? Non, pas. C'est quoi que vous faites, vous, alors ? Alors nous, on est de Green... Non, mais c'est pas la peine de m'interviewer, hein, c'est moi qui interviewe. Ah oui. On est un média de Greenpeace Tour. Voilà. Donc Greenpeace Tour, ah ouais. On voit de l'eau et puis DR, le procès à Tours. Ok. Et vous, du coup ? Radio Campus, Bruxelles. Ah, Bruxelles ? Ouais, ouais, okay. Ah, c'est marrant. Oui, je peux te donner une petite carte, parce que... Ouais, et t'es correspondant de côté, ou tu viens spécifiquement de Bruxelles ? Je viens en Belgique, je suis le convoi. Je fais tout le convoi systématiquement, d'accord. Ok. Bah super, c'est génial d'avoir un média comme ça qui couvre d'un bout à l'autre le convoi. Ah oui, je sais pas qui le ferait d'eau. Hein. Qui le ferait sinon. Bah, il en faut bien. Oui, c'est clair. Il faut bien des médias, tu vois. Clair. Bah, c'est super important, ouais. C'est clair. Les journalistes qui sont toujours en train de courir en général entre deux sujets, là de faire un petit peu de temps long, c'est pas mal, ouais. Ouais. Puis surtout un sujet qu'on. Tu vois, on en parle, les méga-bassines et le problème de l'eau, c'est depuis Sainte-Soline, mais c'est un sujet il y a longtemps déjà, tu vois, c'est ça qui est dingue. Pour te prévenir, la dame que tu as vue là, voilà, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses, okay. Mais il n'y a rien qui est vrai, hein, d'accord ? Ah oui, c'est vrai ? Oui, elle n'est pas du tout correspondre pour le monde, c'est vraiment, elle se donne de l'importance, mais elle dit vraiment. Tu as déjà pu vérifier ? Oui, elle est très connue, surtout. Ah, voilà, ok, voilà. Ouais. Bah, comme quoi, hein. Mais non, mais t'as vu aussi, on passe d'un sujet à un autre, oui, puis là, puis je lui demande son nom, ben ouais, voilà, tu vois bien que... T'as envie de dire quelque chose, toi ? Non, ça toi, tu es caméraman. On allait prendre des images, quoi. Ensemble, donc je pense que tout a été dit. Hein. Ah ouais, tu penses comme lui, alors ? Bah, former un... Vous êtes une union tellement forte que tu dois même plus parler, il parle à ta place. Sacré Jean, va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien ? Impeccable, ouais. Vous avez envie de dire quelque chose dans le micro par rapport à ce qui se passe ? Oui. Moi je suis un média alternatif, Radio Campus Bruxelles. D'accord, ouais. Bah, je suppose que j'ai des choses intéressantes à dire, c'est pas sûr. Hein. Oh, bah si, on a toujours un petit truc intéressant à dire, non ? Voilà, ouais. Vous faites quoi, quoi ici ? Vous êtes venu pourquoi ? Ouais, bah nous on est un petit groupe là, on arrive d'Angers là, donc on est représentant de plusieurs mouvements d'Angers, et puis donc on suit le convoi de l'eau parce que c'est un sujet aujourd'hui qui est un des plus importants. Bon, il n'y a pas que celui-là, mais c'en est un. Et puis on a... Pourquoi c'est un des sujets les plus importants ? Bah parce que la question de l'eau et du partage de l'eau, c'est ce qui nous accapare déjà beaucoup aujourd'hui, parce que vu la pénurie d'eau qui commence à s'installer un peu partout, le climat qui est pas favorable, et donc on pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une grande nécessité de partager, quoi. Je crois que la notion de partage aujourd'hui, de solidarité, c'est celle qui doit être de mise pour œuvrer contre tout l'accaparement qu'il y a du capitalisme, qui veulent tout garder pour eux. Donc aujourd'hui, il faut qu'on leur oppose la notion de partage et de solidarité. Et donc, le partage de l'eau fait partie de cette affaire-là. Donc bon, voilà. Alors après, nous, on est plutôt engagés. Je crois que les gens qui sont là sont des gens plutôt engagés, mais on espère qu'il y a d'autres qui vont nous rejoindre. On a participé, bien sûr, à Sainte-Soline, à tous les mouvements qu'il y a eu sur les bassines, qui sont devenus des choses symboliques et qui, heureusement... commence à être connu et les médias commencent à en parler, pas forcément en mal, bon certains oui, mais on commence à comprendre. Quand même, au départ, c'est des éco-terroristes, hein, tout ça. Ouais, les éco-terroristes. Vous dites les médias n'en parlent dessus, à la base, on veut les diaboliser, quoi. Oui, non, mais la ficelle est grosse, hein. La ficelle est grosse, il n'y a que vraiment les béni-oui-oui qui comprennent pas la ficelle. Vous croyez ? Oui, oui. Je suis pas si sûr de ça, hein, parce que des fois, discuter avec monsieur, madame, tout le monde, des fois, ils écoutent, ils croient vraiment ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient, quoi. Comme sur tous les sujets. Aujourd'hui, on essaie d'anesthésier le peuple, c'est quand même, c'est l'arme principale des gouvernements. C'est d'anesthésier le peuple pour les empêcher de réfléchir. Mais heureusement qu'il y a les mouvements d'opposition qui ramènent un peu de grain à moudre et qui permettent aux gens d'avoir des arguments. Et une fois que les gens commencent à mettre la machine à réfléchir en route, très rapidement, ils voient que c'est qu'une grosse ficelle, hein, leur affaire d'éco-terroristes. C'est pour dissuader un petit peu tous les gens justement de réfléchir. Enfin, on tourne en rond. Hein, voilà. Merci à vous. Envie de rajouter quelque chose spontanément sur tout ça, pour conclure ? Non, bah... moi, ça me fait plaisir d'aller dans des endroits comme ça, Tours, qu'on ne connaît pas trop. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Je crois que le convoi de l'eau... alors nous, on voulait participer, on voulait y aller en vélo, mais faute du succès, on n'a pas pu, parce qu'il y a trop de monde. Donc je trouve que ça aussi, c'est une... on n'a pas beaucoup, je veux dire, aujourd'hui, de raisons d'espérer et de croire à des améliorations. Et grâce au mouvement de résistance, il n'y a que là-dedans qu'on peut espérer. Vous pouvez le lire, le journal. Si. Et vous avez envie de dire quelque chose ? Ben non, je rajouterai rien derrière tout ça. C'est que c'est comme le duo ici, il y en a un qui parle. Et vous pensez comme monsieur ? Oui. Il a tout dit. Et c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, Oui. Et là, c'est une bonne nouvelle, voilà. C'est quoi la bonne nouvelle ? Ici ? D'être présent ? C'est d'être présent, qu'il y ait un succès avec ce convoi de l'eau. Autant dans le nombre de participants à vélo et les tracteurs. Que dans les revendications politiques aussi, parce qu'ils ne font pas ça pour le fun. Hein. Et donc j'espère que ça sera une fois de plus entendu au niveau des ministères, parce que on a fait des actions qui ont été très violentes. Hein. Moi j'étais à Sainte-Soline au mois d'octobre et au mois de mars. Et j'ai vraiment pas compris comment on pouvait déployer autant de forces de police, l'armée, de moyens, de drones, d'hélicoptères, alors que moi je venais vraiment pour dire l'usage de l'eau est important. La guerre de l'eau existe et il faut absolument partager cette ressource. Moi, j'habite auprès de la Loire, je vois bien comment elle baisse. J'ai un frère qui est en Haute-Savoie, auprès du Mont-Blanc. J'en ai la chair de poule de voir le glacier du Bosson fondre à une grande vitesse. Donc voilà, l'eau, elle est essentielle, hein, 2/3 de la planète. Notre corps, il est fait de 2/3 d'eau et chacun a besoin de l'eau. Donc pour vivre, pour vivre, il faut se soulever. Voilà. Et la guerre de l'eau, on la fera pour que l'usage soit bien respecté entre chaque entité. Bah, il va peut-être falloir se battre. Ah ben, vous avez vu la Sainte-Soline, hein, les gens viennent pacifiquement et tout. Et vous voyez, c'est quand même fou. Hein. Mais c'est ce qu'on disait aussi. Il y a eu 10 ans de combat avec Notre-Dame-des-Landes pour arriver à faire qu'il n'y ait pas un nouvel aéroport, artificialiser les sols, faire encore plus de vols aériens, alors que le train, on n'arrive pas à le faire décoller. Donc voilà, il y a quand même des choses qui existent quand on se soulève. Ouais, avec le temps et avec de la patience. Hein. Cité beaucoup. Et merci, hein, vous voyez que vous avez des choses à dire. Bonjour monsieur. Oui. Alors donc moi ce que je trouve. Là je vois mes enfants dans les Émirats d'Arabes Unis. Ils travaillent là-bas. Vos enfants ? Mes enfants travaillent dans les Émirats d'Arabes Unis. Et alors là-bas, pour l'eau, ils dessalinisent le golfe Persique. Donc je crois qu'on va peut-être un jour arriver comme eux, comme les mers montent, les affluents et les rivières baissent. Je pense qu'on peut le faire, puisque l'Espagne le fait aussi. Les Émirats, enfin, toute la partie persique le fait. Je pense qu'on n'est pas plus bête que les autres, on peut le faire aussi. Parce que si un jour on a problème de l'eau, comment on peut faire? Comment on résout ce problème? Oui, mais alors non, vous pensez toujours... C'est celle-là, il n'y a pas d'autre. Vous pensez... Hey. Vous pensez toujours que la technique... Ah ben voilà le convoi, on dirait qu'il arrive. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution. Pour moi. Bah, s'il y en a d'autres, hein. Y en a d'autres, oui. Là, il pleut plus. Il faut pas laisser faire ce qui se passe, monsieur. Oui. Non, mais le truc des bassines, je suis d'accord. Non, mais bassines ou autres sujets politiques. Oui. Non, mais pour les agriculteurs, il faut bien qu'ils trouvent de l'eau. C'est des gens qui vivent de la terre, qui nous font manger. Alors, est-ce qu'il faut détourner les fleuves? Pourquoi pas? Détournons les fleuves, pourquoi pas? Quand on a les milliards de mètres cubes qui passent dans les fleuves, on peut les détourner, peut-être, c'est une alternative. Ou alors, ce que font nos voisins espagnols. Et dans le golfe Persique, donc ce sont des dessalinisations de mer. Je crois qu'il n'y a pas de... Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Ah, si, il y a d'autres solutions. Alors, lesquelles? Ah, dites-nous lesquelles. Je pense que ce n'est pas la technique. Vous me comprenez? Oui, ce n'est pas la technique. On est déjà dans un monde qui devient de plus en plus superficiel et technique, quoi. Oui. Quand je dis technique, c'est technologique. Oui, technologique. On ne doit pas... Qu'est-ce qu'on peut faire en... J'en sais rien, mais il faut arrêter cette folie. Les rivières s'assèchent, on n'en a plus d'eau dans les rivières, hein, de moins en moins. Et par contre, les affluents... J'ai bien entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. J'aimerais bien que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Voilà, c'est une question qui se pose, c'est la question à poser. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, à part dessaliner? Moi, je crois que c'est la seule solution qu'on peut faire. Ok. Merci, monsieur. Merci. Si vous avez... Oui. On est au garde à vous, donc c'est un petit peu énervant. Et puis aujourd'hui, on a des militants qui vont être jugés de dernière rénovation parce qu'elles ont, elles et ils ont pris la responsabilité d'alerter la population avec les risques qu'ils encourent. Et je les trouve courageux et courageuses dans leur démarche et on a envie de les soutenir. C'est bien ça. Je pense que demain, on va devoir se mettre de plus en plus ensemble. Hein, vous voyez, c'est-à-dire de se combiner. Mais désolé, il y a une partie, à mon avis, qui n'a pas été enregistrée. Donc, si tu veux être... si jamais... Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas été enregistré. Il y a du soleil, il doit mettre ma main comme ça. Ouais. C'est chiant. Voilà. Mais tu peux te représenter, mais si t'as pas envie, t'as pas envie. Hein. Alors si, mais il faudrait que tu me reposes des questions, parce que spontanément, comme ça... qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Qui, toi? Ben, je suis là parce que je me suis soulevée au moment où il fallait se soulever avec des camarades à Sainte-Soline. Et puis après, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on continue à faire entendre des voix qui sont justes. Il faut qu'on se batte ensemble pour dire qu'on a le droit à l'expression, parce qu'on est en démocratie et que c'est notre droit. Et on se bat aussi pour des raisons qui concernent l'ensemble de la population. Parce que quand tu dis des raisons qui sont justes, c'est très subjectif, hein, des raisons qui sont justes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut peut-être développer ça, parce que... Bah, la question de la justice de nos revendications, c'est qu'elles appartiennent à tout le monde. La question de la planète, c'est une question universelle. C'est pas une question politique. C'est pas ceci d'un côté et celle-là de l'autre. C'est pas du tout ça. Donc... c'est injuste de stigmatiser des gens et de dire qu'ils ont une parole qui est infondée. Donc là, on ne comprend plus grand-chose, mais parce que tu parles très général comme ça. Mais donc, l'idée, c'est que tu dis que tu défends, vous défendez des causes justes. Mais qu'est-ce que c'est une cause juste? Parce que... Alors, les causes justes. C'est par exemple lutter pour que l'eau appartienne à tous et que la décision... Et pas uniquement à quelques-uns. Pas que à des personnes qui font partie de l'agro-industrie, qui sont une personne pour 2000 ou 3000 hectares et dont on va favoriser l'activité. Et à côté de ça, on a des maraîchers paysans qui se battent comme des fous pour arriver à avoir 3 mètres cubes d'eau pour arroser leurs légumes. Enfin, c'est complètement démesuré. Est-ce qu'il y a moyen de faire contre ça? Parce que c'est là où... Moyen de faire, c'est tous se fédérer, y compris les personnes qui jusqu'à maintenant ne se sentaient pas concernées. Parce que de toute façon, cette question de l'eau, c'est une question universelle et démocratique. Il faut que les gens se saisissent de cette question, participent à des assemblées, viennent aux manifestations et revendiquent, viennent devant l'agence de l'eau à Orléans en disant « Eh bien, nous, on veut se battre pour que les décisions soient prises collectivement avec tous les représentants et pas seulement ceux qui ont des intérêts personnels. » C'est ce qui se passe pour le moment. Oui, mais... Dans les conseils d'administration, on a essentiellement les représentants de la FNSEA, des élus qui soutiennent la FNSEA, donc c'est pas du tout démocratique. Et la question, je répète, je sais, mais comment faire pour se faire entendre, puisque ça, il continue. Eh bien, comment se faire pour se faire entendre? Il y a le convoi, c'est 700 vélos, c'est des tracteurs, et puis ça suffit, ça, les médias qui pouvaient nous aider. Ça suffit, ça, vous croyez? C'est quand même pas mal. C'est bien. Déjà, ça aide bien. Ça aide bien. On a des médias qui couvrent bien le sujet, donc ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait... Comment on pourrait terminer? Qu'est-ce que tu as envie de boucler, là? Comment on termine? Ou bien tu as envie de dire quelque chose spontanément, comme ça, sur tout ça, ou sur autre chose? J'aurais envie de dire que je cherche. Voilà, et moi, je dis... Ah, tu cherches, t'as trouvé? Oui. Parce que moi, j'allais dire un truc. Il y a du monde, là, qui arrive sur cette place. Comment elle s'appelle, cette place? La place Jean Jaurès. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'on soit tous ensemble dans les luttes, c'est-à-dire qu'on soit solidaires dans nos luttes. C'est pas la lutte de l'un ou la lutte de l'autre, et c'est la lutte de toutes et tous. Et donc si on arrive à être solidaires dans nos luttes, à revendiquer les choses ensemble, à se battre ensemble pour des causes multiples, hein, pas que pour des causes écologiques, mais aussi pour des raisons de société, pour des problèmes de société, ça sera un grand pas. Et c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de mouvements qui coordonnent les syndicats, les organisations spontanées. Toutes ces actions transversales, elles sont salutaires. Merci madame, comment vous appelez? Albine. Ah, Albine, c'est chouette ça comme prénom. Merci. Merci. On va passer l'après-midi ensemble, je crois. Ouais, c'est ça. Merci vraiment. Hein. Bon, je vais un petit peu voir ce qui se passe là. Julie? Là. Ah, vous aussi, vous allez... Et donc, quand les gens ils ont un truc, on ne leur pose pas de questions, ils parlent. Tu veux, toi ? Pardon ? Je peux ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais là, alors ? Bah, je suis venu faire une interview pour Radio Béton aussi. Ah, voilà, on voilà. On est moins trois de Radio Béton. Moi, j'aime bien, je recule, j'ai un énorme micro et je ça prend... comme ça. Ah oui, donc toi, tu fais partie de Radio Béton. De la radio associative. Voilà. Tu peux... Tu vois ? Voilà, et donc on est là parce que c'est un, même si c'est le mois d'août, c'est quand même un sujet intéressant, il faut être là, voilà. Le mois d'août, c'est quand même un sujet intéressant, je vois pas le lien là. Bah, c'est parce qu'il y a pas mal, le mois d'août, il y a pas mal de gens qui sont en vacances, des gens qui sont voilà, qui sont occupés à faire la sieste. Donc c'est important que les manifestations, les revendications... à ce moment-là ? Voilà, comme, et, comme non, ça les touristes le voient, c'est ça ? Pendant le mois d'août, voilà. Ah, voilà, il ouais, faut les soutenir doublement parce que... Parce qu'il peut y avoir moins de monde à cause des vacances. Voilà. Et quoi, du coup, vous faites de la radio alternative, c'est bon le mot alternatif ? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Et ce serait quoi, puisque bon, on a un petit peu de temps là, on glande quoi en gros, ce serait quoi ta définition, toi, de la radio autrement que celle qu'on entend, enfin, des mainstream, quoi, des médias dominants ? C'est quoi ? Ce serait quoi, toi, ta ligne conductrice de dire « Ah ben nous, on fait vraiment du média autrement, c'est deux points. » Globalement, moi, je suis pas anti-média. Je fais pas partie des gens qui se méfient de tous les médias. Il y en a que je ne veux pas ni voir ni écouter. Comme quoi, par exemple CNews, BFM... c'est pas du média, ça. Et autres, hein, mais donc, ceux-là, juste, je ne les regarde pas. Et voilà. Sinon... Quoi d'autre ? Sinon, les autres, ils font avec leurs contraintes, voilà. Et donc, leurs contraintes font qu'ils ont sûrement moins de liberté, voilà. Voilà, donc la radio indépendante ou la télévision... Oui, mais pas que, t'as l'air de dire. Oui, la radio indépendante, oui, mais pas que. Il y a aussi les autres, et il y en a certains qui font du bon travail, c'est ça ? Oui, voilà, enfin, en tout cas, qui essayent avec leurs contraintes. D'accord. Donc le fait de ne pas avoir de contraintes, c'est-à-dire d'être libre, eh ben, ça donne une certaine, ben, ça donne une liberté de pouvoir aborder n'importe quel sujet, parce qu'on n'est pas contraint par l'argent. Voilà. C'est, en fait, c'est le pognon qui fait la contrainte. Hein. Oui, c'est clair. On peut aborder les sujets, mais aussi librement, dans le sens faire du long cours et donner la parole aussi à ceux qu'on n'entend pas habituellement, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça permet de développer des formats longs parce que il y a des tas de sujets, et les sujets touchant à l'écologie notamment, pour être compréhensibles, doivent être traités en plus de 5 minutes, voilà, parce que sinon on est obligé de faire des raccourcis qui sont contre-productifs, voilà. Donc c'est intéressant de pouvoir passer une heure avec quelqu'un pour parler d'un sujet ou d'un autre, d'une manifestation, d'une lutte, ou même de culture. Hein, mais enfin, en tout cas, il y a quand même beaucoup de sujets qui méritent de s'étendre. Voilà. Comment tu t'appelles, sauf si tu veux pas le dire ? Non, Pascal Robert. Pascal Robert, en plus, tu me donnes ton nom de famille et tout, génial. Mais merci à toi. Pas de soucis. Vous pouvez mettre de la musique avec l'ensemble de famille. Bon, bah... Allez, encore une petite dame, là. Non, on n'a pas l'air. Ah, ne vous inquiétez pas, je suis un gentil média, mais j'entends terrorisme, fascisme, ça m'intéresse. Je peux ? Si ce qu'ils appellent terrorisme gagne, c'est plus appelé terroriste, c'est appelé des révolutionnaires, c'est appelé des maquisards. Donc aujourd'hui, on les traite... Ça dépend où on se situe. Soit c'est terrorisme, soit ce sont des résistants. Ça dépend de quel côté, mais oui. S'ils gagnent ou ils perdent, un peu plus ou moins, quoi... Quand tu dis « i », c'est aussi... c'est qui le « il » ? Ce sont des gens. La population. Des gens en lutte, des gens qui ne croient plus à la simple non-violence. Ouais, non. Quand tu dis... T'inquiète. Quand tu dis « terrorisme », on se suit, hein, « terrorisme » ou « résistant », tout dépend de dans quel camp tu te trouves, d'accord ? D'accord avec ça ? Du temps de la guerre, par exemple, ceux qui ne se sont pas laissés faire, qui ont pris aussi des armes et qui ont défendu une certaine idée, on les a appelés résistants après coup, ouais, vous voyez ? Après coup, mais sinon, ça aurait pu être l'inverse. Ils auraient pu être traités de terroristes parce qu'ils ont attaqué, comme tu dis, tout dépend de quel côté. Voilà, mais moi, j'avais envie de dire, quand il disait « il », c'est qui le « il » ? C'est qui décide ça ? Ben, le gouvernement, le pouvoir en place, et puis la population silencieuse aussi. Celle qui n'agit pas, je pense. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois, ceux qui ne s'appliquent pas, mais qui regardent de loin et qui font leurs commentaires. Qui ne prennent pas position. Ils prennent pas position. Donc, et l'opinion publique, ça bah, on l'appelle comme ça. On l'appelle. Réfléchis avec vous. Oui, je l'appellerai comme ça. Ouais. L'opinion publique, on a l'impression que c'est un truc mou qu'il faut, tu vois, qu'on adapte chaque fois en fonction de ce qui se passe. Aussi, hein. Tu dis ça peut être des gens inquiets aussi. Inquiets et qui ne savent pas comment se positionner parce qu'ils ont peur du résultat. C'est pas forcément négatif. Hein, quand je dis l'opinion qui ne bouge pas, ça. Il peut y avoir une part d'inquiétude aussi. Bien sûr, mais ça peut être négatif aussi. Parce que c'est peut-être ça aussi qui fait que les choses sont molles, quoi, tu vois. Et là, il y a une minorité qui... Oui. Comme tout le temps, même à la Révolution française, c'était une minorité de gens qui sont sortis dans les rues pour prendre les fourches. C'est toujours une minorité. Les bactéries qui sont soit pathogènes, soit positives pour un étang, sont au nombre de 20%. Donc des fois, plus ou moins 10% pour l'un et pour l'autre. Et 80% des bactéries sont les suiveuses. Donc si on arrive à 12% de bactéries qui sont pathogènes, les 80 restantes seront pathogènes. Si on arrive à 12% de bactéries qui sont positives, qui servent à enrichir le milieu, 80% suivantes vont suivre. Équilibre. T'as fait de la biologie, là? De la bio? De l'agronomie. Et quoi, de l'agronomie conventionnelle ou... Ah, bien sûr, j'adore Monsanto. Non, mais il paraît que les gens qui veulent être agronomes, quand ils suivent des études, peut-être moins maintenant, mais... Attends, je continue à développer. Ils se retrouvent dans des écoles, en fait, où on promeut justement les pesticides et tout, enfin, toute une agro dégueulasse, en fait. Toi, ça a été ton cas ou... Exactement, il y a le mouvement des déserteureux. Le mouvement des déserteureux sont des ingénieurs. Déserts, comme les déserts. Déserté. Déserté de manière heureuse. Les déserteurs sont des ingénieurs qui ont décidé de soit quitter leurs études en cours, soit après les études, pour ne pas suivre et enrichir un système qu'ils ne cautionnent pas. Oui, ça on a vu, il y a eu le buzz sur les réseaux, on a vu ça. L'AgroParisTech, pendant la remise des diplômes, qui ont monté. C'était aussi des agronomes ? C'était des agronomes, des ingénieurs, des jeunes ingénieurs qui venaient d'avoir leur diplôme, qui ont décidé de se réunir pour déserter. Ah oui, tu parles de l'école... Les déserteureux. C'est devenu un mouvement, les déserteureux. Et ils appellent à ce que d'autres ingénieurs les rejoignent et qu'on essaye d'utiliser les connaissances de manière consciente, en étant conscient du dérèglement et des solutions possibles. Merci. Alors, ils arrivent. Je peux donner une petite carte. Okay. J'ai une méfiance du journalisme. Ah ouais, mais t'as bien raison. Mais t'as vu dans mes yeux que ça va. Non. Pas des personnes, des journalistes. Ouais. Le jour de Loire est arrivé. Quelques mots pour vous dire que voilà, je vous accueille bien sûr en tant que militant écologiste de longue date, mais aussi en tant que maire de Tours d'une majorité plurielle à gauche, un grand rassemblement de la gauche qui vous accueille aujourd'hui et qui est parmi vous, autour de moi. Et donc un grand merci à l'ensemble de ces élus de gauche qui sont présents. Vous dire que j'apprécie particulièrement votre mobilisation. C'est, je pense, une mobilisation qui ressemble à de nombreuses mobilisations environnementales, qui est festive, qui est pacifique, qui est revendicative aussi, et c'est très important. Bien sûr, vous portez des valeurs très fortes de solidarité, vous portez les valeurs des biens communs, et un grand bravo pour cette forme de mobilisation à tous et à toutes. Je peux vous dire que votre mobilisation contre l'accaparement de l'eau par un modèle agricole qui est aujourd'hui obsolète, qui est aujourd'hui à bout de course, qui est aujourd'hui inadapté. Votre cause, la cause que vous défendez aujourd'hui, elle est complètement juste. Je voulais vous dire aussi que, de la même manière, la cause des militants écologistes de dernière rénovation qui font un appel à sortir de l'inaction climatique. Là aussi, c'est une cause dont le fond est totalement juste. Et je suis là aussi pour leur passer ce message de solidarité sur le fond des messages qu'ils passent. L'inaction climatique nous envoie dans le mur. Et donc, il faut agir absolument. Merci pour votre action. Un dernier mot pour vous dire qu'ici, nous essayons de faire localement ce qu'il faut aussi pour sauver notre Loire, pour sauver notre régie publique de l'eau, pour essayer de désartificialiser bien sûr les sols, pour avoir des politiques alimentaires aussi qui sont en faveur d'une agriculture paysanne. Et nous continuerons ces actions-là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, je pense que le symbole que vous donnez avec ce convoi de l'eau, c'est le symbole d'une autre société plus juste qui, voilà, qui partagera le commun d'une manière plus juste et plus solidaire. Donc encore un grand bravo à tous et à toutes. Et que aujourd'hui, Nova Saran. Merci, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord pour l'énergie que vous avez amenée depuis 20 minutes. J'étais là au début, on vous attendait. Et dès que vous êtes arrivés, l'ambiance a pris du feu de Dieu. Je pense que ça fait très plaisir aux militants de Dernière Rénovation qui sont aujourd'hui là pour le procès. On peut vous applaudir. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais me concentrer sur l'essentiel. Ce que je voulais vous dire, d'abord, c'était un grand merci. Moi, je voulais m'adresser d'abord aux militants de Dernière Rénovation qui vont avoir leur procès tout à l'heure, pour leur dire un grand merci aussi en tant qu'élu, en tant que militant d'éducation populaire que j'ai été aussi. Parce que ce que vous avez fait quand vous posez des actes comme ça, je peux vous dire que ça résonne énormément dans le parcours et l'engagement de beaucoup de gens. Et nous avons besoin... Oui, vous pouvez applaudir. Et le fait aujourd'hui que le convoi de l'eau vous rejoigne, ça raconte quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est effectivement la convergence des luttes, de toutes les thématiques que touchent le changement, le dérèglement climatique et l'adaptation que nous devons construire. Et ça raconte aussi, je pense, la convergence de toutes les formes de lutte qui existent. Nous avons besoin aujourd'hui de désobéissance civile. Nous avons besoin de gens qui prennent des risques et qui les assument aussi devant le tribunal. Et je le dis particulièrement en tant qu'élu qui s'occupe notamment des questions de logement au conseil régional. Moi aussi, j'ai trop souvent un goût de trop peu sur les politiques publiques que nous pouvons construire, et je vois tous les jours les défaillances et les manquements de l'État sur ce genre de questions. Nous avons aussi besoin, évidemment, de gens qui créent. Résister, c'est créer, disait le Conseil national de la résistance. Et quand il y a des tiers-lieux ici, des coopératives là, etc., etc., ça raconte aussi quelque chose. Et ce que nous devons construire sans cesse, c'est la convergence de tout ça pour participer d'un seul et même mouvement. Et quand on est élu comme moi, et je parle là aussi au nom du groupe Écologie et Solidarité de la région Centre-Val de Loire, où nous sommes des élus qui sont non encartés, des écologistes, des insoumis, nous avons de cesse de vouloir faire partie de ce grand mouvement que vous construisez, que nous construisons ensemble. Et je termine, parce que là où nous sommes, nous avons quelques combats aussi. Il y aura des assises de l'eau en Centre-Val de Loire le 7 novembre. Et je vous propose quelque chose, je vous fais un appel, c'est de venir contribuer à ces assises de l'eau, parce que votre voix, elle compte, elle doit être entendue. Et il ne peut pas y avoir simplement à ces assises de l'eau les représentants de l'agro-business, etc., et de tout le modèle de société contre lequel nous nous battons. Voilà, ce sera le 7 novembre. Merci beaucoup. Tout de suite, le député Charles Fournier. Merci, bonjour. Bonjour au convoi de l'eau, bienvenue à Tours. Bonjour à Dernière Rénovation, à tous les citoyens, et citoyennes qui se mobilisent sur un sujet aussi important que celui de l'eau. Alors depuis ce matin, quand je vois des journalistes, ils me demandent est-ce que c'est bien la place d'un député d'être ici. Cette question est assez étonnante. Oui, ma place est d'être ici. Je dois être un prolongement politique des luttes que vous engagez, que nous engageons sur le terrain. Quand j'étais à Sainte-Soline... On m'a reproché, et il y a eu un courrier de plusieurs de mes collègues députés pour demander à ce que je sois sanctionné pour ma présence à Sainte-Soline. À l'époque, on me disait, c'est pas dans ta circonscription, faut pas aller là-bas. Mais depuis, grâce à vous, le sujet des bassines est connu bien au-delà. Tout le monde en parle, tout le monde a compris quel était l'enjeu de l'accaparement de l'eau, quel était l'enjeu des inégalités autour de l'accès de l'eau. Donc merci à vous pour vos mobilisations. Je ne veux pas être long parce que le temps compte. Moi, il y a un sujet central derrière ce qui se passe là, c'est le sujet de la démocratie. Et elle est mise à mal à l'Assemblée nationale, vous l'avez vu, en bafouant le travail législatif. Elle est mise à mal par la répression qui est faite aux mouvements sociaux et aux mouvements écologistes. Elle est mise à mal dans les agences de l'eau, il faut le dire, où les modalités de décision ne sont pas les bonnes. Comment l'agence de l'eau Loire-Bretagne peut subventionner des bassines comme elle le fait? Ce n'est pas acceptable. Il est temps de transformer ces institutions. Et il y a des exemples inspirants partout. Ici à Tours, le maire a mis en place un conseil local de la sobriété. Allons plus loin là-dessus. Moi, j'ai mis en place un parlement citoyen qui a travaillé sur l'eau. J'ai posé une question au gouvernement qui était une question des citoyens sur l'eau. Il y a plein de possibilités pour réinventer le Parlement de Loire. Ici est une super initiative pour retravailler la démocratie. C'est ça qui est en jeu. Vous en êtes des garants. J'en suis un garant. Travaillons ensemble pour l'avenir. Ce n'est que le début. Continuons le combat. Le procédé est bien connu, on parle des modalités de l'action, comme ça, ça évite de parler du message. Pourtant, le message, il est simple, il est clair à comprendre. Il s'agit de dénoncer l'insuffisance des politiques publiques et en particulier l'inaction des pouvoirs publics face à la catastrophe climatique et face à cette situation. Le département continue de soutenir des projets incompatibles avec la nécessaire obligation de réduire nos émissions, nos gaz à émission à effet de serre. Alors, je pourrais vous parler de l'aéroport qu'on finance depuis 65 ans. Voilà, que le débat là, énorme, vous avez raison. Je pourrais vous parler des routes, des échangeurs autoroutiers à coût de dizaines de millions d'euros. Je pourrais vous parler des espaces naturels sensibles où la principale chose qu'on fait, c'est d'abord se dire, on fait des bases de loisirs avant de s'interroger, de se poser la question de comment on protège la biodiversité. Je pourrais vous parler aussi du projet de la déviation de l'île Bouchard. Je pourrais vous parler tellement de choses. On sait très bien qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. On voit bien que notre politique du département, comme de manière générale et encore dans l'ancien monde, avec toujours plus de bagnoles, toujours plus de camions sur les routes et toujours plus de nuisances pour le climat et la biodiversité. Et après, on s'étonne que les générations futures ont peur. On s'étonne de leur désespoir. Et ben moi, je dis qu'ils ont bien raison. Qu'ils ont bien raison parce qu'ils ont raison de ne pas vouloir se faire voler leur avenir. Voilà. Merci, merci, merci. Est-ce que je fais le voyage en mobylette que je ne veux pas monter? Waouh! Waouh! On savait que cette arrivée à Tours serait un grand jour. On avait rêvé de cette espèce de Champs-Élysées, cette avenue Grandmont. Et vous êtes tous là. C'est un truc extraordinaire. Le peuple de l'eau du Poitou-Charentes vient de rejoindre le peuple de l'eau lugérien. Alors, on a pris la route il y a 4 jours. On a pris la route avec les tracteurs, avec les vélos. Et de village en village, ça n'est qu'accueil, ça n'est que joie de nous recevoir. Notre lutte est en train de l'emporter, nous sommes en train de gagner la lutte. Et le peuple a compris de quel côté il devait se situer. Il n'y a que quelques élus abjects qui continuent à défendre les intérêts de la FNSEA. Ben, on est là pour changer ça. Alors, ce périple de collectifs locaux en collectifs locaux, là où il y a des gens qui nous reçoivent, qui s'organisent pour faire des repas, pour monter des stands, etc. Ces gens qui portent des luttes sur l'eau qui vont au-delà des méga-bassines. L'eau, c'est également l'eau et le nucléaire, on va en parler sur la Loire. L'eau, c'est aussi l'eau potable. Et à Poitiers, on est obligé aujourd'hui de ramener de la flotte en bouteille. Parce que tout le pognon, il est en train d'être accaparé. Non seulement l'eau est accaparée, les sols sont accaparés, mais les finances publiques sont accaparées par leur grande industrie. Et malheureusement, force est de constater qu'il y a un organisme aujourd'hui qui s'appelle l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et qui est notre Parlement de l'eau, et que ce Parlement de l'eau, il a été complètement phagocyté par les services de l'État. À l'origine, c'était pour mettre en place des politiques de décentralisation et pour que les gens, à l'échelle de leur rivière et leur bassin versant, puissent faire le partage de l'eau, puissent faire la loi de l'eau. Et bien, le résultat des courses, c'est qu'il y a un syndicat majoritaire qui s'appelle la FNSEA, qui place des pions, qui place des élus dans toutes les collectivités locales, dans toutes les associations représentatives. Et c'est comme ça que l'Agence de l'eau, encore dans l'état actuel, imagine financer 50% de ces foutues méga-bassines. Et bien nous, on a décidé de prendre la route, et vendredi, on sera à Orléans. Et vendredi, on ira dire à tous les élus et à tous les salariés qu'on ne veut plus un centime de plus pour les bassines. Alors, le voyage va continuer. On va faire encore 3 étapes, on va les rencontrer. Ce soir, on est à Lusso. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer. Et puis là, on va, à 15h, on va aller sur une petite île et les camarades, notamment de la Rabouilleuse, et tous les artistes et tous les habitants de la Loire, tous les bateliers seront là pour nous faire partager leur amour de leur rivière. Alors, ce convoi de la Loire, vous pensez bien qu'il y en a un qui l'attend avec impatience et fébrilité. C'est notre cher Gérald Darmanin, notre principal agent de communication. Et alors le Gérald... Et puis le Fesneau aussi, qui habite pas très loin d'ici, ils ont vu qu'il y avait eu un fait divers dans le cadre du convoi de l'eau. Il y avait un golf irrigué à l'eau de lac qui s'est retrouvé esquinté. Il y a un tuyau, rendez-vous compte, quand même à 10 balles le tuyau, qui a été esquinté. Et il y a des citoyens qui ne pouvaient pas se baigner dans le lac parce qu'il est pollué par la cyanobactérie, par l'agro-industrie, qui ont eu l'outrecuidance d'aller s'arroser. Et ben, le pauvre Gérald, j'ai une pauvre nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, pour, une mauvaise nouvelle pour toi. La guerre du Golfe n'a pas eu lieu. Alors une de nos motivations fortes à vous rejoindre ici, évidemment qu'on sait qu'il y a des gens qui se bougent pour la Loire, évidemment que quand il y a des élus qui remplissent leur rôle d'élu, à savoir être nos représentants, être à notre écoute, s'appuyer sur nous pour construire les solutions, parce qu'ils ont beau avoir toute la bonne volonté du monde, ils ne sont pas experts en tout. Et parmi nous, il y a une expertise citoyenne très fine. Nous sommes les habitants de nos rivières. Et c'est nous qui devons avoir le pouvoir de construire les politiques de l'eau sur nos territoires. Et donc, quand on a su qu'en plus, ce jour, il y avait 5 camarades de dernière rénovation qui allaient passer dans ce tribunal pour avoir simplement dénoncé la politique écocidaire de notre gouvernement Macron, appliquée à la lettre par tous nos petits préfets chefs Fayon, eh bien évidemment que ça a résonné très fort. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, à Sainte-Soline, le pouvoir a fait montre d'une violence historique. À Sainte-Soline, Darmanin a donné l'ordre d'utiliser 5000 bombes sur les 25 000 représentants du peuple que nous étions. Et Darmanin avait donné la consigne qu'il avait, il y avait open bar, quitte à prendre le risque de tuer des citoyens et des représentants, enfin et des gens, ben nous en fait, de nous tuer. Et donc c'est ce qui a construit ce convoi de l'eau. On voulait lui montrer qu'en fait, nous étions le peuple, que partout où nous passions, nous étions accueillis, nous étions acclamés, nous étions rassemblés, nous étions plus forts. Et donc aujourd'hui on est là pour soutenir les camarades de Dernière Rénovation et on est là également pour vous lancer une invitation au 8 septembre au tribunal de Niort, puisque nous serons 9 à passer par rapport à tous les actes de résistance qu'on a pu poser vis-à-vis de ces fichues bassines. Et là, pour la première fois, le gouvernement a franchi un Rubicon abject, c'est qu'il convoque, la justice convoque 5 représentants syndicaux. Ils osent convoquer notre camarade de la CGT, responsable de la CGT départementale, pour avoir organisé des manifs. De Sud Solidaire, pour avoir organisé des manifs. Nicolas Giraud, responsable de la Confédération nationale, porte-parole, ancien porte-parole, pour avoir organisé des manifs. En fait, ce gouvernement pense qu'on peut attaquer profondément les libertés fondamentales. Ben, on est là pour dire qu'on ne se laissera pas faire. Et puis, je vais passer la parole à ma camarade des soulèvements de la Terre. Il y a encore quelque espoir à porter sur les institutions. Il y a peu de temps, vous l'avez suivi, le Conseil d'État a donné un véritable camouflet à Darmanin. Ben, faisons en sorte